Sont-ils des geeks ? Sont-ils fanboys ? Sont-ils des otaku ? Bienvenue dans l'émission Les Potes Calés. Animé par Teddy et Fabien. Nous revenons d'une session cinéma en regardant un film, après avoir vu un film qui vient de sortir. Donc le film c'est Ready Player One numéro 2. Non c'est pas ça, attendez, c'est Le Monde de Nemo numéro 3. Mm-hmm. Non c'est pas ça non plus. Mais non, dis c'est Tron Legacy, c'est pas pareil. Oui voilà, donc ouais. Tron Legacy le remake. Ouais. Non c'était pas ça le titre non plus. Non, en plus c'est pas ça. En fait voilà, donc le titre du film c'était Aquaman. Ouais. Il n'y a qu'une seule façon de sauver la paix. Tu dois prendre ta place de roi légitime. Crois-moi, j'ai rien d'un roi. Moins tu réfléchis avant d'agir et mieux tu agis. Génial ton discours d'encouragement. Alors Aquaman, pour présenter un petit peu le film, c'est réalisé par James Wan, qui est plus connu pour avoir réalisé des films d'horreur style Insidious. Et au casting, on retrouve l'inénarrable Jason Momoa, donc Ronan Dex. En l'occurrence, Ronan Dex dans Stargate Atlantis. Donc, il quitte pas vraiment son milieu. Hein. Je sais pas si tu te souviens de... Mais c'est un peu le même personnage qu'il incarne. Aussi, on a aussi au casting Amber Heard dans le rôle de la belle Mera. Patrick Wilson dans le rôle de Orm, alias le maître des océans. William Dafoe, comme tu le faisais remarquer, on l'avait vu dans Spider-Man dans le rôle de Norman Osborn. Et puis, on retrouve aussi au casting un étonnant Dolph Lundgren, donc Ivan Drago en personne, dans un petit rôle, mais bon, qui ne passe pas inaperçu, moi, je dirais. Voilà, donc, pour la présentation de ce petit casting. Et est-ce que tu veux donner déjà un premier avis par rapport à ce film ? Bah comme d'habitude, moi je vais proposer une partie no spoil pour commencer, et une partie spoil après. Bon alors en no spoil, malheureusement, il n'y aura pas spécialement grand chose à dire. J'ai envie de dire comme d'habitude quoi. Voilà, comme d'habitude. Puis après, bon... Bon, allez, le grand défouloir, comme d'habitude, ouais, sur la partie spoil. Le grand défouloir, comme tu dis. Donc, tu me laisses la parole ? Allez. Allez, on se défoule. Alors, moi, au bout d'une demi-heure, j'ai commencé à me tourner sur ma chaise. Et c'est très, très mauvais signe, ça veut dire que je m'emmerde. Et quand je m'emmerde, ça veut dire que je regardais un film qui était plein de clichés, qui était hyper prévisible. Mais de bout en bout... J'ai vu arriver toutes les scènes, que ce soit les scènes avec Atlana ou avec Arthur ou que ce soit avec Mera. Et on devine la moindre chose, la moindre réaction des personnages. Et pour moi, c'est très problématique. Et s'il n'y avait que ça ? Est-ce qu'il n'y avait que ça ? Parce que franchement, quand on voit toutes les scènes d'action, on a l'impression de voir d'autres films. Alors je peux citer cette bataille assez dantesque à la fin du film qui m'a fait penser à l'attaque des clones. Toi, c'était plutôt le Seigneur des Anneaux. Moi, ça m'a fait penser à... ouais c'est ça, au Seigneur des Anneaux. Mmh. Et j'avais l'impression qu'à tout moment il y en a un qui allait gueuler pour Frodon. C'est ça. Et il manque d'ailleurs, il y a une notion d'anneau dans le film, hein. C'est l'anneau de feu. Là c'est un petit peu ressemblant quand même, hein, quand tu regardes bien. Voilà pour ce que je pouvais dire. Bon, la musique, moi, je trouvais qu'elle n'était pas du tout accommodée au film. On avait tantôt une musique électronique, un peu style Tron, justement. Et ça variait avec des symphonies un peu à la Superman. Ouais, je dirais même qu'il y a même une reprise d'un thème d'un super-héros, mais je ne me souviens plus lequel, en fait. Ouais, et puis à un moment, on avait l'impression d'entendre des thèmes sonores de Pacific Rim. Ouais, c'est ça. C'était quand même un gloobie-boulga musical qui... Bah, moi, je trouve qu'il passait mal, spécialement. Aller dans la scène d'action, il y a des fois ça a tendance un peu à nous couper de la scène. Ouais, c'est clair que je suis comme toi et moi la musique elle m'a complètement mis hors du film. Comme tu parlais de Pacific Rim, mais c'est vrai qu'au niveau des monstres et des notamment, bon ça ce sera un peu spoiler, mais on peut dire qu'au niveau de certains designs, ça fait quand même penser au kaiju de Pacific Rim, quoi. Bah pour l'instant, je trouve pas que c'est du spoil, parce que franchement, dans la bande-annonce, on est spoilé à mort. Hein. Dans la bande-annonce, Je sais pas si on l'entreaperçoit à un moment, et puis bon, on va dire ça. Quand on le voit arriver, on se dit bon, bah, c'est bon, quoi. Puis au moyen, cette espèce d'exploration d'Atlantis qui m'a dérangé. Alors toi, je te laisserai citer ta référence. Mais moi, quand on arrive, j'ai vraiment l'impression d'être dans une cité qui rappelle celle d'Abyss, par exemple, avec les extraterrestres sous-marin, et aussi toutes ces lumières bleues à la Tron Legacy. J'arrête pas de citer ce film, mais c'est le film qui me revient constamment en esprit. Et toi, tu parlais justement de cette espèce de passage lumineux, là. Franchement, à un moment, j'ai eu l'impression de voir le Bifrost, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Je me suis dit, c'est Asgard, en fait, voilà. C'est un garçon sous-marin, ouais. Donc ça fait un peu... on n'a pas trop d'imagination. J'ai eu l'impression de voir une copie de Bifrost. C'est le terme imagination, il convient bien au film, parce que pour moi, il n'y a pas beaucoup d'inspiration au niveau design et au niveau des personnages et au niveau de l'intrigue. Et ça fait que tout est ramené vers le bas. Et moi, je le déconseille. Hein. Enfin, franchement, c'est peut-être un bon divertissement, mais moi, je me suis profondément merdé. On va me dire que Venom est un mauvais film, mais au moins en plus c'est trop long. Je trouve que 2h20, 1h45 c'était largement long pour développer toute l'histoire avec justement la quête du... pas la quête du Graal, j'allais dire, mais quête carrément, du... l'espèce de fourche dorée, qui est d'ailleurs spoilée dans le trailer. Ouais, le trident est complètement spoilé, on le voit avec. Hein. Donc il n'y a aucune surprise, et c'est comme ça en continu, en discontinu pendant 2 heures. C'est quand même difficile de trouver un quelconque intérêt à ce film, je dirais. Par contre, j'ai bien aimé le clin d'œil à Sanseiya, quoi. Je sais pas si t'en penses, ce que t'en penses. Bah, il y a un moment. Bon, je pense qu'on va de toute façon, on va devoir arrêter la partie spoil, parce que de toute façon, voilà, t'as exactement résumé tout le film en une seule phrase. C'est un bon divertissement. Ouais. C'est pas un bon film, c'est un bon divertissement. Et donc maintenant, on va attaquer la partie spoil. Bon, je vais commencer par le chevalier du zodiaque des mers Poséidon. Parce qu'il y a eu un moment. L'armure du cancer. Un mélange entre l'armure du cancer et l'armure sacrée de Poséidon, quoi. Ouais. On avait l'impression de voir un fanfic de Senseiya. C'est vrai que cette scène, le design de l'armure, pas terrible, quoi. Alors, je sais pas s'ils veulent faire un clin d'œil comme ça au mangaka, ça se pourrait. Ouais, bah, j'espère que c'était un clin d'œil, parce que sinon, c'est de la merde. Hein, ouais, c'est clair, une fois de plus. Et puis, ce film, en fait, c'est tout des inspirations, et j'ai l'impression que, on en rigolait au début en me disant, on a été voir Ready Player One 2. Non, on déconne. Non, en fait, si, on a été voir Ready Player One 2, parce que t'as des trucs, t'as l'impression que c'est du Senseiya, t'as des trucs, t'as l'impression que c'est le Seigneur des Anneaux, puis voilà, que tu sais pas trop sur quoi danser. Alors, moi, je suis désolé, l'hommage, le pompage, je sais pas trop quoi dire, à Tron, bah, clairement, ouais, ça saute à la gueule, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un peu la problématique, c'est que, y a pas de subtilité, y a aucune subtilité, que ce soit visuel ou d'écriture de scénario, je vais me répéter ce que je dis, y a vraiment pas de surprise dans l'intrigue, et puis on voit tout arriver, hein. Et moi, le retour d'Atlana, moi, je l'ai flairé à 5 km, et j'étais avec Teddy, justement, à côté de lui, je dirais, regarde, y a Orm, y a balancé un missile sur Nerus, donc Nerus, c'est Dolph Lundgren, et je suis sûr qu'il a passé un pacte avec Black Manta, parce qu'il faut revenir aussi sur Black Manta, hein. Ce personnage d'une nullité, franchement, mais ses motivations sont d'une nullité. Bon, on va spoiler qu'à cause d'Aquaman, pour moi, il n'est pas fautif, mais il a laissé crever son père. Et donc, il veut se venger. C'est ça, l'histoire de Black Manta. Ah, c'est sa seule motivation. Et c'est une pure vengeance, mais c'est une débilité, quoi. Il n'y a aucune profondeur dans ce personnage. Et à un moment, il arrive à dompter tout seul, une technologie qui a été domptée quand même sur des millénaires, on va dire. Donc, ça détruit tout. Puis, d'un coup, il arrive à faire un super masque. Alors, je ne sais pas comment que c'est dans le comic, si c'est comme ça, mais à mon avis, c'est quand même un peu plus fin. Mais Black Manta, c'est le pire des personnages pour moi dans le film. Et puis, comme tu disais, on voit tout arriver à l'avance. Ouais. Même dans les cadrages sur la gueule de lui est un méchant. Cadrage, tu vois sa gueule, lui c'est un méchant. Oui, tout à fait. Voilà, cadrage sur Ocean Master, tu dis alors lui c'est un méchant. Il est pas bon. Ouais. Il est pas bon. Ouais. Et puis les Atlantes sont super sympas parce qu'ils donnent la dernière technologie qui va équiper leurs soldats à un gars. Mmh. Comme tu dis, qu'ils ont développé depuis je sais pas combien de temps. Et là, tu demandes tout, ils ont fait un costume à l'Iron Man, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Ça rappelle un peu la fin de Predator, pour spoiler un petit peu, mais voilà, quoi. Mais je vais reprendre ce que tu dis, mais on est dans l'espèce de récupération de vieux clichés, et on n'arrive pas à se démettre. Moi, je sens le film de producteur. Je sens pas le film, y a pas. Ce que je pourrais dire aussi, c'est que je vais aller sur quelque chose d'autre. C'est on se raccroche pas à l'univers partagé, c'est-à-dire qu'on a l'impression que il y a que Aquaman qui peut sauver le monde, alors qu'on sait bien qu'en fait, y a quand même Superman qui pourrait sauver la situation, hein. Superman qui voit que vas-y, tu peux. En fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que voilà, le film normalement il aurait dû se passer comme ça, parce que Aquaman part en quête, hein, en quête arthurienne, hein, complètement. Et puis il y a un moment, ils arrivent en Italie, c'est ça. C'est et ça. Tout d'un coup, je m'arrête et je dis à Fabien, c'est pas loin de la Grèce, l'Italie, me semble. Il fait ouais. Pourquoi Wonder Woman elle arrive pas? Parce que elle arrive, elle pète tout. Elle. Ouais, sur l'île de Témis. Kira, c'est ça. Témiskira, c'est au large de la Grèce. Ouais, donc l'univers partagé. Moi, je trouve quand même que il y a plus de corrélation entre dans les films Marvel. Mais là, encore une fois, c'est complètement foiré, moi je trouve. La seule corrélation qu'il y a, c'est l'apparition de Mera et du Trident. Ouais. Et puis qui lui dit, je m'appelle Mera, machin truc chouette bazar. Oui, oui, vas-y. Bah, tu dis, attends, il doit le savoir. Il était venu chercher un Trident juste avant dans la Justice League. Tu vois. Il y a une scène. Alors pour vous situer le truc, la connerie je veux dire, monumentale de scénario, c'est que t'as l'impression qu'il a jamais vu Mera. Je sais pas si t'as eu la même impression. Bah, clairement, si. C'est la première fois qu'il la voyait quasiment. Il connaît pas son nom, alors que ils avaient déjà combattu Steppenwolf ensemble dans Justice League, si je me souviens bien. Non, mais il savait quand même comment elle s'appelait. Bah ouais, parce qu'elle lui a donné le trident, et puis elle dit à Arthur, dans Justice League, bah t'es venu chercher le trident, et puis il dit ouais, je suis venu pour ça. Donc c'est qu'il devait se connaître avant. Enfin, en général, quand tu rencontres quelqu'un et que tu sais que tu auras besoin de lui, t'essayes au moins de demander son prénom. Donc, un gros défaut, quoi. S'il y avait que celui-là comme défaut, ouais, ça irait encore. Ouais, c'est ça, un petit défaut scénaristique, on va dire. Bah, j'ai repéré d'autres défauts aussi. Ouais, bah tu peux y aller, ouais. Ce film souffre du syndrome que je vais appeler Thor Ragnarok. Alors, c'est-à-dire que, franchement, les effets spéciaux sous-marins sont superbes. Ouais. La scène du Kraken, elle est bien. Ouais. Les trucs sont bien animés et tout. Et puis, après, on nous colle des fonds verts dégueulasses où on voit les cheveux des gens qui disparaissent. Et une vue d'océan à la Dragon Ball Evolution. Et là, tu te dis, c'est quoi, s'ils ont pas eu de sous pour finir ce budget ou... Moi, je comprends pas parce qu'ils ont quand même le budget pour faire des plans extérieurs d'un simple phare. C'est pas non plus comme si... Même dans le désert, j'ai l'impression qu'il y a des fonds verts aussi. Hein. Je sais pas si t'avais eu cette impression aussi que quand ils sont dans le Sahara, il y a des fonds verts aussi. Mais il y a quelque chose qui m'a choqué, quoi, quelque part. Ah ouais, ce passage dans le désert. Alors, c'est vrai que là, au niveau des effets spéciaux, il y a un moment où tu te dis aussi, c'est un fond vert dégueulasse, en fait. Et puis, ça emmène dans les situations aussi super marrantes avec, qu'est-ce qui se fait bouffer par le sarlac, quoi. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, on se demande où il est Boba Fett. C'était un petit clin d'œil parce que, justement, il y a le père d'Arthur dans le film, c'était Murat Morrison. Et c'est lui qui jouait Jango Fett dans l'épisode 2 de Star Wars. Donc, on s'éloigne pas vraiment de Star Wars, finalement, dans ce film. Voilà. Donc, ouais, pour en revenir là, c'est parce qu'à un moment, il se fait... par hasard, il cherche une cité dans le désert. Mmh. Il s'arrête au seul endroit du désert pour dire « Regarde, ma fille, il n'y a rien autour. » Puis pouf, il se fait absorber pour le temps. Non, mais ça, c'est le... Il y a plein de Deus Ex Machina, comme tu dis. Ah ouais, la facilité scénaristique, ouais. Ouais, là, c'est... Ouais. C'est du niveau des Simpsons. On sait pas quoi faire, et puis on va le faire tomber dans un trou tout de suite. Ouais, la quête à la Indiana Jones, mais qui est vraiment n'importe quoi. Bah, Indiana Jones, t'avais tout un travail de recherche derrière, mais là, c'était toute l'intrigue du film. Ouais. Mais là, c'est vraiment... Je sais pas, tu te promènes dans le Sahara, t'es paumé, t'arrives quelque part, tu te poses une minute et pouf, tu tombes, tu trouves ton temple que tu cherches. On va parler un petit peu de l'interprétation de Jason Momoa, si tu veux bien. Moi, j'ai pas trouvé que c'était lui le pire du film, parce que je m'attendais quand même à un gros bourrin qui sort des vannes tous les 5 minutes, et c'est pas du tout le cas, en fait. Ça n'a pas été aussi lourd que ce que je pensais. Hein. Moi, au niveau des news, hein, je t'avais dit « Beauf de France », quoi, ouais. Qui a pissé dessus, machin. Oui. En fait, non, ça va, ça... dans le rythme du film, ça passe. Mais pour les autres acteurs, ils font ce qu'ils peuvent, ils sont pas mauvais. Non, je pense pas qu'il y en a un plus mauvais que l'autre. Par contre, moi je veux dire, j'ai déjà dit, plaque mon temps, l'acteur je trouve pas bon du tout. Je sais pas si t'as encore quelque chose à dire ou si on peut passer à la scène post-générique. Moi je vais encore parler du fait des Ex Machina, hein, c'est-à-dire que à un moment il doit faire sa quête et il doit combattre le Kraken. Et puis moi je m'attendais et dis. Enfin, je m'attendais à ce qu'il combatte pas, mais qu'il se dit c'est parce que je suis faible, justement, que je mérite d'aider les autres plus faibles que moi, etc. Tu vois, une sorte de scène que tu arrives à voir. Et puis à la fin, c'était Pacific Rim, le retour à la fin. Il y a une scène de bagarre, comme je te dis, pour Frodon, deux groupes, ils se battent les uns contre les autres. Puis au moment où un personnage dont on n'a rien à foutre, il va se faire tuer, pouf, le Kraken y arrive, et puis c'est Jason Momoa qui chevauche le Kraken. C'est ça. Et puis la bataille s'ensuit. Et puis quand Mera lui dit, on a subi d'énormes pertes, ça va, t'as envoyé de la Pascal, il te fait sacrifier. Qu'est-ce que t'en as à foutre des énormes pertes? C'est les créatures de la fosse qui ressemblent pas, qu'ils ont aussi quand même pas mal de ressemblances avec plein de créatures qu'on a pu voir dans certains films. C'est un mélange entre les créatures de Suicide Squad et les créatures avec Steppenwolf. Ah ouais? Tu prends les deux, tu fais un mélange, tu les mets dans l'eau et c'est pile ça. Il y a un mix, j'avais pas remarqué ça, mais c'est fort intéressant ce que tu dis. Ouais, puis cette scène avec l'espèce de plante, c'était une espèce de chimère qui lui empêche d'accéder en premier lieu au... C'est un peu facile, quoi, je veux dire. Cette scène avec l'espèce de gros monstre avec une plante, ça fait une espèce de plante carnivore. En fait, c'est c'est les tentacules du Kraken, hein. C'est juste ça. Un hentai japonais bien connu. On va pas dériver dans le gros, j'espère. Bon, en fait, c'est les tentacules du Kraken, mais tu le vois pas la gueule du Kraken. Et moi, je me suis dit, ces Kraken, ils s'appellent Galactus. On va pas le voir jusqu'au bout parce qu'il est trop cher à animer. Au début, je me suis dit ça, tu vois. Tu vois, une grosse fumée, quoi. En fait, non, c'est juste les tentacules du Kraken. Et puis, en gros, le Kraken, c'est... Ah, je suis pas sûr que ce soit la même créature, moi. Ah, moi, je suis sûr et certain. Parce qu'en fait, il dit, tu me comprends, et puis le Kraken, c'est un sage de sage, tu vois. Enfin, j'ai eu l'impression. Ouais, ouais, il est sage, mais moi, il bouffe des gens, quoi. Ouais, mais ça, il est... enfin, c'est comme Smaug le dragon, hein. Il est sage, mais il tue des gens aussi. Ouais, ouais, ouais. Il aime pas, il veut pas qu'on lui prenne ses pièces d'or. Enfin, là, il veut pas qu'on prenne le trident. Ouais. Alors, à chaque fois, on a tendance à dire le sceptre, mais non, c'est bien ouais, le c'est trident. C'est un trident, exactement. J'avais complètement oublié la... ah bah, l'expression, parce que... L'histoire des tridents, faudra raconter. Je vais vous raconter l'histoire d'Akamoine, vu du point de vue des tridents. Il était une fois un bonhomme qui avait un trident, donc l'autre bonhomme, il y a un trident plus fort que lui, donc il lui pète le trident. Mmh. Donc le bonhomme, où il n'y a plus de trident, eh ben, il va chercher un nouveau trident beaucoup plus fort que le trident d'avant. Et voilà, je vous ai résumé Aquaman. T'as, c'est terrible, hein, ça tient sur un ticket de métro ton scénario. Là. Bah, c'est exactement ça. Hein, ah, c'est ça. C'est Arthur, mais il n'y a pas Merlin l'Enchanteur pour nous distraire. Quoi. Ah ouais, bah alors là, la quête d'Arthur, ouais, on te le rabâche beaucoup dans le film, hein, faut avouer. Hein. À un moment, on dit, t'as pas compris là, que c'était la quête d'Arthur ? On va te le redire encore ouais, une fois. On va dire, Arthur, Arthur, Arthur. Et la quête du Graal. Pour terminer, ouais, cette scène post-générique est complètement inutile pour moi. Ah, elle n'a pas lieu d'être. Hein. Non. Mais par contre, moi je pensais que c'était Rose qui était sur la planche, pas Jack. Qui ça ? Dans Titanic. Encore une référence aquatique, on va dire. Ah non, je les vois sur la planche, j'avais la musique de Titanic en tête. Ah ouais ? Ouais, enfin bon... Je vois pas quel danger il peut représenter le Black Manta, là. Parce ouais, que, donc la scène post-générique, enfin ouais. Post-pré-générique, enfin au milieu du générique. Ouais, mid, on va ouais, dire mid. Générique. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est Black Manta sur une planche. Parce qu'en fait, il est tombé de la falaise quand il s'est battu avec Arthur et les Minimoy. Puis on le retrouve sur une planche et puis il se fait sauver par, comme par hasard, le mec qui a dit « Les Atlantes existent, il faut se méfier, etc. » Ah d'accord. Et j'avais pas marqué ça, mais bon, moi j'aime bien aimer, c'est le mec a rien perdu, il est à moitié faible, il est quand même faible, hein, faut avouer. Et il y a un œil en moi même, hein, il y a un gros pando. Et puis il arrive quand même à viser juste avec son couteau sur le journal. Tu l'as marqué ça ? Ah c'est ça Nick Fury qui perd son œil alors. Non, c'est le chat qui se transforme en bestiole là, tu sais. Ouais, mais attends, moi je trouve un mec dans l'océan avec un costume que je vois apparemment qu'il y a des armes dessus. Je l'allonge dans un lit, j'essaye quand même de retirer son couteau. Ouais, enfin le fouiller quoi au moins. Parce que si le mec est hyper dangereux, tu t'imagines, ah, s'il ouais. se lève, qu'il te tranche la gorge. Enfin, en général, quand t'as un costume, c'est que t'as une tête de psychopathe quand même. Moi, bon, puis de toute façon, Aquaman 2 avec Black Manta, faudra vraiment qu'il y ait un... Il va y avoir un problème de rapport de force, à mon avis, dans le 2, s'il y a un 2. Ça va être un scénario facile. Ça va être genre une armée de Black Manta ou je sais pas quoi. Et puis, ouais. Puis lui, le super méchant avec son armure améliorée à la Predators, et puis voilà, ouais. C'est marre, quoi. Tu crois que Orm il va être libéré et puis il va peut-être faire alliance avec Bah ça va faire l'effet Loki, moi je le vois arriver, ouais. Gros comme une maison. Mmh. Ouais, déjà tu vois, on est en train de spéculer sur le futur scénario et on prédit une alliance entre Black Manta et Orm contre Aquaman et ses requins et ses cailloux et déjà il y a un rapport de force qui marche pas quoi. Bah ouais, le mec, je veux dire, il n'y a plus rien, son armure est à la moitié détruite, il n'y a plus de sous-marin et puis l'autre il a la tête de 7 royaumes. Je vois pas ce qu'il peut faire. Mais ça, c'est dans l'univers DC, hein, c'est toujours ouais. le plus faible dont faut se méfier. Regarde, le Joker, c'est le plus faible physiquement, mais c'est le seul, par exemple, que Batman doit vraiment se méfier toujours. Quoi. Ouais, parce qu'il est fort, mais que Batman, ben, comme il tue pas, sauf Ben Affleck, dans l'occurrence, dans cet univers. Et ouais, moi, je regrette. Moi, ce que je regrette le plus, c'est quand même ce manque d'univers partagé, mais complètement. On a l'impression que, tu sais, c'est qu'il y a un univers par. Un peu comme les B-52, dans Wonder Woman, ça passait ouais. parce que c'était avant. Ouais. Donc, comme dans Captain Marvel, c'était avant, je pense que ça pourrait passer. Là, dans Aquaman, moi, au début, tu sais, je me suis demandé, je dis, c'est avant ou après, je sais pas trop. Et en fait, quand elle dit, ouais, t'as déjà battu Steppenwolf, tout va bien, entre guillemets, je me dis, mais merde, il doit la connaître, quoi. Donc, je dis, il n'y a pas de continuité. Je dis, moi, je suis Aquaman, je vais faire un petit tour à Gotham, j'envoie le bat-signal, il va chercher après Kal-El, et puis. Après, ce problème, c'est que le film durait qu'un quart d'heure, sinon. Ouais, même pas un truc Kal-El. Kal-El, il voit la télévision qu'il y a plein de bateaux qui sont en train de se retourner. Il va pas laisser faire ça, quand même, Superman. Ouais, il est occupé avec Lois. Ouais bah il faudrait peut-être qu'il se remue. Il se remue dans Lois là. Non mais bon moi je déplore, c'est encore une fois c'est pas très travaillé quand même finalement comme scénario. On accumule les clichés, les manques de les scènes prévisibles, on mélange tout. On prend du Abyss, du Tron, du Nemo, tout ce que tu veux, et puis on fait un melting pot, et puis ça fait un film. En gros, c'est un film qui a compté sur ses effets spéciaux, ouais. Mais c'est un scénario à la Percy Jackson. Ouais, c'est ça. C'est juste fait pour... ouais, c'est un film de producteur, qui est fait pour engranger du pognon et pas rien de plus, quoi. C'est du grand spectacle. C'est pas un grand film, c'est un grand spectacle, et puis c'est tout, quoi. C'est vite oubliable, quoi. C'est comme The Meg, tu passes des bons moments, des fois, à regarder un peu les gens se battre, ouais. Mais faut pas chercher... Il n'y a pas de matière à chercher quelque chose de spirituel ou d'intéressant. Ou voilà, c'est du spectacle. On est là pour consommer du spectacle. Il n'y a pas de message, il n'y a rien, il n'y a pas de fond en fait. C'est ça, puis, le message, c'est qu'apparemment, voilà, c'est la quête arthurienne. Ouais. Donc le message, on l'a déjà vu. On l'a vu, revu, ratavu. Et il n'y a rien d'autre, quoi. C'est je suis pas digne, mais je suis digne parce que justement, je suis pas digne. Mmh, voilà, on l'a vu ça. Dans tous les films. C'est ça. C'est un peu comme dans le dernier Star Wars, quoi, quelque part. Bah, même dans tous les autres films. Ouais. Hein. L'histoire du sang mêlé, je sais plus qui c'est. C'est pas avec Harry Potter, le sang mêlé. C'était Harry Potter. Donc voilà, Momoam, c'est un sang de bourbe, apparemment. On va finir par notre note, si tu veux bien. Alors, verdict final. Alors moi, verdict final, je lui mets... alors, c'est bien, parce qu'en partant, je voulais lui mettre la moyenne de 2,5. Mais là, je vais lui mettre qu'un 2, parce que c'est juste divertissant, c'est du grand spectacle. C'est pas un film à chier, mais on commence dangereusement à s'en rapprocher. Bah, moi, je serais même indulgent que toi, comme d'habitude, j'ai l'impression, je vais dire. Et puis moi, ce sera 1, parce que je vais pas mettre 0, parce que... bon, il y a quelques bonnes scènes, mais il y a un visuel qui est pas dégueulasse, des fois. Notamment Atlantis, même si c'est pas très original. Et... Jason Momoa, j'ai bien aimé dans ce film, alors que d'habitude, c'est un acteur que j'apprécie pas trop, mais là, je trouve qu'il est bien dans le rôle, et puis, donc ce sera 1 pour moi, 1 sur 5, et toi, 2 sur 5, ce qui fait une moyenne de 3 sur 10, ce qui est pas terrible. Et ben voilà ce qu'on pouvait dire sur le film Aquamerde, enfin je voulais dire Aquaman. Troll. Puis maintenant, je propose peut-être, vu qu'on a eu deux news qui sont tombées récemment, notamment en fait la bande-annonce de mon kaiju préféré Godzilla, King of Monsters, et aussi un bon teaser de Star Trek Discovery, bah, je propose d'enchaîner là-dessus pour vous mettre un peu plus de croustillant en bouche. Godzilla, King of Monsters, le roi des monstres en français, la suite du film de Gareth Edwards, si je me souviens bien. Donc cette fois réalisé par Michael Dougherty, avec dans le rôle principal la jeune Millie Bobby Brown qu'on avait pu voir dans la série Stranger Things. Et un deuxième trailer qui est assez apocalyptique, je dirais, qui en met plein la vue. Moi j'ai beaucoup apprécié, bon Godzilla on le connaît parce que maintenant sa forme est désormais connue, mais ce qu'on connaît moins c'était ce que j'attendais moi avec un grand impatience, c'est l'avenue de King Ghidorah. Alors King Ghidorah c'est l'espèce de dragon à trois têtes là, surpuissant qui balance des espèces de jets jaunes, je sais plus comment, une espèce de flamme jaune c'est ça? Ouais, entre les éclairs et la flamme jaune. Hein. Mm. En fait, voilà, King Ghidorah, ouais, c'est l'ennemi principal de Godzilla dans l'univers de la Toe, après l'humanité. Et puis, ouais, là, franchement, grandiose, hein, je veux dire, le grand spectacle en vue à ce niveau-là. Ce qui me fait un peu peur pour la suite, parce qu'en général, quand on nous en montre beaucoup dans un trailer, ça pue après pour le scénario. Ouais, c'est vrai que moi, j'avais été assez déçu du précédent chapitre, parce que je trouve que voir une dizaine de minutes Godzilla dans un film qui dure presque 2 heures, ben, moi, je suis resté un peu sur ma fin. Même si les effets spéciaux étaient très bien, et la bataille avec le muto, les mutos étaient bien chorégraphiés, quoi, je veux dire, au niveau de la scénographie, c'était bien réalisé, quoi. Et là, dans ce trailer, je pense qu'ils ont voulu rassurer les fans, justement, à ce propos-là. C'est vrai que Godzilla, bah, tu me disais, on le voyait 10 minutes, hein, en tout et pour tout, dans ces scènes d'apparition et de combat dans le premier film de Godzilla. Enfin, le premier film américain blockbuster à gros budget, on va dire. Et on va parler du 2016. Non, il n'existe pas, celui-là. Et là, tu vois, on nous montre vraiment King Ghidorah, Mothula, Godzilla, un petit peu Rodan, Komunga, mais on n'est pas sûr que ce soit lui. Qui ça? Komunga, l'espèce d'araignée. Komunga, ah bon? Parce qu'à un moment, on voit des pattes sortir. Moi, j'avais confondu avec Ebira et Captain Popcorn a dit que c'était peut-être Komunga, donc on verra. Mmh. Et Rodan aussi. Rodan l'accusateur, hein, Rodan le hétérodactyle. C'est Rodan, mais bon, c'est parce que c'est un petit peu le jeu de mots geek. Voilà quoi, Rodan, ouais, il y a de la gueule, Rodan, hein, il sort de son volcan, là, il commence à mettre le feu partout. Rodan, il y a le feu au cul. Hein. Ouais, il balait tous les avions, tous les hélicoptères, les gros appareils. On a aussi Mothra, Mothra un petit peu plus discrète, je dirais dans le trailer. Puis t'as Ghidorah qui est présenté vraiment de la façon, je vais dire d'une façon mais assez dantesque. C'est vraiment, on voit que c'est vraiment le gros bad guy du film, quoi. Ah franchement, tu le vois dans le trailer, il déplie ses ailes. C'est ça. Et là, tu te dis, ça va saigner. Ouais. Voilà, c'est ce que tu te dis quand tu vois ce machin se déplier. Tu te dis, ouais, il est pas là pour faire des tartes aux fraises, lui. C'est King Ghidorah, quoi. C'est clair. Mais comme tu dis, ça va saigner, mais j'espère que ça va pas saigner que 5 minutes, quoi. Ah, c'est l'inconvénient de ce genre de film, parce que, bah, on en parlait dans la salle tout à l'heure. Ouais. En général, quand on en a beaucoup dans les extraits, ça pue pour le scénario après. Parce que là, il faut avouer que nous on bave quand on voit Ghidorah versus Godzilla. Bah, on bave, mais on sera déçu si ça dure 5 minutes et qu'il n'y a rien d'autre, quoi. Je veux dire, si on nous montre toutes les scènes, si on accumule tous les trailers et qu'on nous montre toutes les scènes avec Rodan, tout ça, et qu'après on va voir le film, on se tape des personnages humains qui sont pas intéressants, parce que dans le premier ils étaient pas vraiment pas intéressants. Moi j'en avais rien à foutre du militaire et de sa femme, mais j'espère que là ce sera un peu mieux à m'écrit. Maintenant, bon, apparemment il y a cette... j'ai cru comprendre qu'il y avait une relation entre la jeune fille et Godzilla, et que justement ils étaient peut-être un peu liés par une espèce de pouvoir un peu mystique. Enfin, je sais pas pour toi. Bah après, pourquoi pas, hein, parce que dans les mangas, dans les films de kaiju, voilà, il y en a certains qui ont un lien mystique, notamment avec Mosula, qui fait la jonction, en fait, entre l'humain et Mosula, c'est deux petits personnages jumeaux qui font la jonction psychologique avec ça. Et là, ça se pourrait qu'il y ait un lien, ou alors c'est Godzilla qui va s'amuser à les protéger. Enfin, d'ailleurs, dans le trailer, ils s'en amusent, hein, parce qu'ils disent « Vous voulez donc qu'on garde Godzilla comme animal de compagnie ?» Oui. Et il fait « Non, non, ce sera notre maître. » C'est clair. De toute façon, vu la taille du bestiau, à mon avis, pour le dompter, celui-là, il faut aller loin, quoi. Voilà, quoi. Mais sinon, ouais, comme tu disais, dans le premier, c'est vrai que j'espère qu'ils auront corrigé ce défaut, parce que l'histoire de la famille, c'est vrai qu'on en avait rien à faire. Ah ouais, complètement. Le titre du film, c'était Godzilla, hein, c'était pas c'était... la famille d'un militaire en vacances. Hein. Qu'est-ce qu'on a à foutre ? Bon, c'était le prétexte aussi à développer les mutos, parce que c'est aussi le gros problème du premier film, c'est que les mutos, on les voit. Les mutos, ils apparaissent pendant presque tout le film. Il y a plus de scènes des mutos que de Godzilla, hein, quasiment. Et c'est vrai qu'on a suscité l'attente. Je me souviens de cette scène à l'aéroport où on voit une patte. Puis après on le voit qu'il monte, et puis on le voit enfin hurler de rage. Sinon c'est pas un film que moi je vais retenir dans les meilleurs Godzilla, quoi. Non, pour ça, Kong était mieux fait. Hein. Ouais. Là, il partait avec Kong direct. Hein. Ouais, la première vraie scène du film, même avant le générique, c'était la gueule à Kong, mais bien. Pas caché, ouais. Pas juste un doigt à un côté, un bout d'un poil d'un autre. Non, non, vraiment, le Kong. Et je pense qu'à ce niveau-là, ils avaient su corriger ce que j'appelle le défaut Godzilla. Et là, franchement, dans le trailer, ça a l'air d'être la même chose. Hein. Je veux dire, le seul truc qu'on voit pas, je dis, c'est le monstre que je sais pas, c'est Kumonga ou Ebila, c'est... Voilà, c'est le seul monstre qu'on voit pas encore. Ouais, je me souviens de ce que tu veux dire, ouais, l'espèce d'écaille qui sort de la terre, là, ouais. C'est un peu bizarre. Moi, j'ai cru que c'était Ghidorah, mais bon, c'est vrai que la structure est pas pareille. Il y a tellement de monstres dans cet univers que finalement, on sait plus quelle patte va avec quelle gueule, et puis voilà, quoi. Ouais, puis dans le trailer, ça fait vraiment... on lâche toute la purée, les mecs. Hein. Ouais, allez, c'est hop, ça. Et ils veulent voir des monstres se faire sur la gueule, bah, on les présente pas, allez, vas-y. De toute façon, ah ouais, ils doivent les connaître, c'est des geeks, alors. La toute dernière image, c'est clair que on voit Ghidorah qui est en train de courir vers Godzilla, et puis là, on voit que ça va se passer... C'est style Rocky contre Apollo, quoi. Ils vont se mettre sur la tronche, quoi, puis il va y avoir des dégâts. Et en même temps, dans un film de kaiju, bah, c'est ce qu'on attend, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça, c'est à la Pacific Rim. Enfin, je parle pas du 2, hein, parce que... Bah, dans le 1, c'était exactement ça. Un monstre apparaît, on fait un robot et on va lui péter la gueule. C'est ça. Le scénario, on verra plus tard. Ouais. Donc tu vois, c'était un film décomplexé. Ouais, donc, s'ils partent sur le même système, je pense que ça pourrait marcher. Bah, avoir le résultat, hein, on attend un troisième trailer, parce qu'on suit toujours pas à pas les trailers. Et bah, je pense qu'on peut enchaîner sur celui de Star Trek Discovery. Peut-être que tu veux le présenter, celui-là. Bah moi je vais te laisser présenter le trailer de Star Trek Discovery, parce que bon, je l'ai vu qu'une fois, donc il y aura certainement des passages qui vont me revenir quand tu vas en parler. Par contre, ça risque de clasher sec. Hein. Clasher. Je vais pas revenir sur la saison 1. Par contre, bah, ce qu'on voit dans ce trailer, qui est assez rapide, hein, y a un rythme qui est assez effréné. Pour un trailer de Star Trek, je m'attendais à que ce soit un peu plus posé, mais là j'ai l'impression qu'on va vers le version Star Trek version Abrams, c'est-à-dire qu'il faut que ça pète de tous les côtés, il faut qu'il y ait des vaisseaux qui partent de ce côté. D'ailleurs, il y a une scène qui m'a rappelé l'Abraham, c'est quand il y a Burnham qui est dans une sorte de boule et qui va vers les astéroïdes. Je sais pas si tu te souviens de cette scène. Et ça fait très Abraham, cette scène-là. Ouais, et ça fait aussi très Russell T. Davis après dans le trailer. Ça m'a fait penser au Weeping Angel de Doctor Who. Les anges rouges, ou je sais pas quoi, qui gèrent l'apocalypse, ouais, apparemment. Ouais, les anges rouges, ouais. Là, ils essayent de mettre un peu de spirituel dans le lot. Je me souviens pas que la spiritualité avait une importance quelconque dans les Star Trek d'avant. Donc, ça, je serais curieux de voir comment. Il y avait un peu de mysticisme dans les Star Trek. Hein. Il y avait un peu de mysticisme, mais vraiment, c'était pas du vrai mysticisme. C'était plus de la réflexion sur des peuples qui avaient évolué. C'est ça. Et c'était pas du vrai mysticisme. C'était plus de la réflexion, hein, c'est ça. Et là, j'ai l'impression que ça part sur Star Trek contre les forces invisibles. Discovery surtout, parce que Starfleet, il se résume quand même à Discovery dans ce trailer. Hein, je suis pas d'accord, parce que étant donné que voilà, il te montre le Star le Discovery, mais après pour dire l'Enterprise. Ouais, pour dire hey, les fans, vous inquiétez pas, on vous a pas oublié, on vous a mis Pike et Spock. Hein. Regardez notre Spock, il est là Spock. Ouais. Surtout il est barbu, il parle beaucoup, mais il paraît que même qu'il y a même Pike qui lui demandait est-ce que vous souriez, et il lui dit oui, alors qu'il est pas censé sourire non plus Spock. Enfin, du moins pas pendant cette période-là. Voilà, comme moi je trouve qu'il y a un trop plein de Spock dans ce trailer. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, bon moi je vais voir ce que ça va donner. Star Spock Discovery. Ça fait un peu ça, hein, clairement, t'as raison. Hein. Ouais, puis il y a un problème, moi, comme je disais, je vais me répéter, mais il y avait un tout nouveau capitaine tout désigné pour le Discovery, et ils te foutent Pike. J'ai l'impression que comme ils ont eu beaucoup de critiques pour la première saison, il faut qu'ils reviennent à du fanservice, donc ils te refoutent Pike et Spock. Moi, c'est un personnage que j'aime bien, Spock, hein, y a pas de problème. Y a rien à foutre dans cette continuité. Puis comment ils vont t'expliquer la parenté entre Burnham et Spock, encore une fois. C'est un problème aussi, je veux dire, on avait un Saru qui était franchement devenu de super j'ai peur, etc., je peux pas me mêler de quoi que ce soit. Ah, je prends mon rôle au sérieux et je deviens un commandant, un leader. Il y a une maturité, quoi. Et puis tout d'un coup, une fois que lui, il est accompli, bon, allez, tu dégages, on met Pike à la place. Je crois qu'il y a un problème aussi, hein, c'est que dans les capitaines de Starfleet, c'est toujours des humains. Il n'y a jamais d'extraterrestres. C'est ça que j'ai remarqué, moi, dans les séries Star Trek. Donc, c'est vrai que c'est un peu un problème. Voilà, quoi, c'est rythmé, on a quelques bribes. Mais on n'a pas vraiment de scénario, quoi. On n'a pas de ligne directrice dans ce trailer. C'est tellement épars dans les scènes, dans les trucs. Bon, il y a la Spock, Burnham part à la recherche de Spock. Ouais, puis après, il y a Georgiou qui arrive. Star Trek 3, mais bon. Puis après, il y a Georgiou qui arrive. Ouais, alors là, je crois que ça a vraiment rien à foutre, là. Après, on nous montre des Klingons qui sont en train de s'entraîner. Il y a Tyler qui revient. Le retour de Tyler, l'un de mes personnages préférés. Quand je suis tombé sur le passage du barbu Tyler, j'ai dit, ça j'ai plus envie de regarder. Même Georgiou, moi j'aime bien Michel Yeoh, pas de problème. Mais Georgiou qui change de camp d'un coup, alors qu'elle vient quand même de l'univers miroir. De toute façon, je spoil, mais bon, c'est tout quoi. Voilà, on va supposer que vous avez vu, parce que sinon vous allez toujours vous demander qu'est-ce qu'elle fout là, Georgiou. Ouais. Pourquoi reprendre Georgiou quoi? C'est quand même un élément qui est perturbateur hein, dans cet univers. Puis ils ont l'effet Snoke, hein, c'est-à-dire qu'on nous met des personnages pour les faire monter en puissance pendant une saison. Que ce soit Burnham, encore elle monte pas vraiment en puissance, elle revient juste à son niveau. Après t'as Saru qui prend ses responsabilités, Tilly qui commence à s'affranchir. Puis tout d'un coup on nous pète tout et on nous dit on remet tout à zéro. Et je te dis, je me répète, on met Pike et Spock parce que comme ça va faire plaisir aux fans et on va ratisser un petit peu. Ouais, pour moi, t'as très bien traduit le truc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évolution ni pour Burnham, ni pour Saru. C'est-à-dire que, bon, l'ami, je sais plus comment il s'appelle, le capitaine Lorca, c'est Lorca. Ouais, Lorca qui s'est fait désinguer. Il a disparu, on sait pas s'il a vraiment disparu d'ailleurs. Moi, je vois le coup qui va revenir en forme sporique ou un truc dans le genre. D'accord. Je vois le coup arriver. On verra quand on fera notre review. Et puis, on te met Pike, puis ça continue, puis il n'y a aucune évolution dans les personnages. Moi, c'est vrai que j'ai imaginé que pendant un moment que Saru prenait le commandement et que Burnham serait son second, mais là on a pas vraiment d'évolution de personnage, et puis c'est toujours cette crainte du fan qui est pas content que ils ont quand même essayé quelque chose de nouveau dans la première saison, mais là ils reviennent, ils sont dans la consensualité pour moi, je vais regarder, mais il y a certaines choses qui me plaisent pas déjà à la base. Dans la première saison t'avais parlé d'un gros problème de continuité. Ouais. J'ai l'impression qu'ils doivent écouter notre podcast parce que du coup ils essayent de tout raccrocher à coup de pelle. Ah mais ils vont le faire à la Lucas avec en effaçant la mémoire ou. Ouais, CTRL Z du Discovery. Ouais, Superman 4 et puis on reprend les mêmes et on recommence. Non, ça n'a aucun sens de faire des trucs comme ça. Non. La grande question qui reste pour moi dans cette série, comment ils vont faire pour que Spock oublie Burnham pour assurer justement la continuité avec les films et les séries. C'est un univers miroir d'un univers miroir qui était dans l'univers miroir. Ouais, en fait, je pense qu'on va partir comme ça, quoi. Bah, moi, je te dis, c'est pour faire plaisir aux fans, ils mettent des personnages, et j'ai un peu l'impression que y a des financiers qui ont dit attention, les mecs, ils aiment bien Spock, Kirk, c'est un peu gros, mettez leur Pike, et puis, faut que ça se raccroche, vous vous démerdez. Ah ouais, je m'attends un petit caméo de Kirk hein, à la fin de Discovery. Saison 3, 4, 5, y a Kirk qui arrive sur le Discovery pour faire un clin d'œil, tu vois, le gros truc, je vois arriver de loin, quoi. Voilà, quoi, ce qu'on pouvait dire sur le trailer de Star Trek Discovery. On va regarder, on va suivre les épisodes avec intérêt, il y a pas de problème. D'autant que visuellement, il y a les moyens, faut le dire que... Ah là, oui, ils ont mis les moyens. Ça se voit qu'ils font une collaboration directe avec Netflix maintenant, parce qu'il y a plus de moyens. Mais moi, je suis quand même content que, apparemment, les antagonistes principaux, ce sera pas les Klingons, ce qui me fait une petite victoire sur la fin du podcast. podcast la dernière fois. Mais à voir après. Ne si... parle pas trop tôt, s'il te plaît. Mais après, il faut voir si c'est ça qui va faire l'union, parce qu'ils avaient bien dit dans les Star Trek Deep Space Nine, etc., qu'il y avait une menace plus grande que les Klingons et plus grande que la Fédération, qui avait fait l'union des Klingons et de la Fédération. Si c'est ça le prétexte, il y a un gros problème de continuité. Ouais, puis de toute façon, on sait bien que dans les séries classiques, les Klingons et les humains, ils sont pas encore dans leur, en paix. Hein. C'est pour ça que moi, j'étais un petit peu choqué de la dernière scène, et que je me dis, bah tout d'un coup, tous les ils rappellent leur vaisseau. On peut être les maîtres de la galaxie. Dididididit. Oui, allô. Ah, on annule tout. Bon, ok, on rentre. Ça tient pas la route, cette histoire-là. Bah voilà, parce qu'apparemment, ils ont compris l'esprit Starfleet en 1 minute 30. Il n'y a aucun développement. Moi, je trouve que le personnage qui... L'RL, justement, qui est avec Tyler, tout d'un coup, mais retourne sa capote. Enfin, on va dire ça. Et il se dit, ah bah les humains, finalement, c'était pas des mauvais gars. On va pas les exterminer, quoi. Donc, on a encore débattu, une fois de plus, nos divergences. Bah, c'est quand même bien, ouais. Parce qu'au moins, on arrive à trouver un sujet, on n'est pas toujours d'accord. Et puis, bah, du coup, moi, comme tu dis, on regardait avec intérêt, voir un peu comment ça tourne, et puis, à voir après, si on va l'aimer ou le clasher. Warp drive, Mr. Scott. Merci d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez laisser des commentaires sur la page Facebook dédiée et la partager pour la faire connaître. Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle pastille.